ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابي رحمن ابن ابي بكر عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بخطابه او بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعله منه. Le guide des croyants en matière de hadith, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, chapitre, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut à celui qui transmet saisir mieux que celui qui écoute. Ensuite, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a cité une chaîne de transmission remontant jusqu'à Abdurrahman ibn Abi Bakr, d'après son père, qui a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis sur sa chamelle et qu'il y avait une personne qui tenait les bribes de cette chamelle. le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quel jour sommes-nous? Nous nous sommes tués au point que nous pensions qu'il allait nous nommer par autre que son nom. Il a dit, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas le jour du sacrifice? Nous avons dit, oh que oui. Il a dit, quel mois sommes-nous? Nous nous sommes tués, ou nous avons gardé le silence, au point que nous pensions qu'il allait nous nommer par autre que son nom. Il a dit, ne sommes-nous pas le mois de Dhul-Hijja? Nous avons dit, oh que oui. Il a dit, certes, votre sang, vos biens, votre honneur sont sacrés, comme le caractère sacré de ce jour-ci, en ce mois-ci et dans ce pays-ci. Que celui qui a été témoin transmette à celui qui a été absent. Et certes, celui qui a été témoin, il se peut qu'il transmette à celui qui saisisse mieux que lui. فعند قول البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع فهذه الترجمة تضمنت أمرين أحدهما إشارة إلى حديث ليس على الشرط البخاري وهو في السنن في جامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان ويعده أهل العلم أي هذا الحديث من المتواتر فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وغيرهما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله إمرا سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى من لم يسمعه وفي آخره رب مبلغ أوعى من سامع والمعنى أي هذا الحديث أنه قد ينقل الرواية أو الخبر شخص فيتلقاه شخص من هو أفهم ici البخاري رحمه الله تعالى quand il a donné le titre du chapitre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui à qui on transmet saisit mieux que celui qui a entendu. Ici, le titre que Al-Bukhari rahimahullah a donné à ce titre, a donné à ce chapitre, englobe deux points. Le premier point est que ce titre fait allusion à un hadith qui n'est pas des conditions de Al-Bukhari rahimahullah. Et dont ce hadith se trouve dans les Kutub al-Sunan. Il se trouve dans le livre Jami' al-Tirmidhi, rahimahullah. Il se trouve également dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et il se trouve également dans le Sahih ibn Hibban, rahimahullah. Et ce hadith, les gens de science l'ont considéré au titre de mutawatir. Le sens de mutawatir est qu'il a été rapporté ce hadith aux différents niveaux de la chaîne de transmission par de nombreux rapporteurs, par une multitude de rapporteurs. Et quand les savants donc, mentionnent que ce hadith est mutawatir, c'est pour intensifier l'authenticité de ce hadith. Et ce hadith, il a été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après différents compagnons, une multitude de compagnons. Parmi eux, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, et d'autres. Et les paroles de ce hadith sont que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah il a fait une invocation, qu'Allah illumine le visage de celui qui a entendu mes propos, qu'il les a saisis et qu'il les a transmis à celui qui ne les a pas écoutés. Et ensuite, à la fin du hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Peu de ceux à qui on transmet saisissent mieux que celui qui entend. » Voilà les termes du hadith. Et donc ce hadith est authentique et le très grand savant Cheikh Mohamed ibn Nasser ibn al-Dindari rahimahullah ta'ala l'a authentifié dans deux de ses livres Sahih al-Targhib et Sahih al-Jami'a. Et donc le sens comme l'ont expliqué les ulama, les gens de science, ce hadith est on trouve il se peut qu'il y ait une personne qui transmette une variante, qui transmette une information à une autre personne. Cette autre personne va donc réceptionner cette information et elle la saisira mieux que celui qui l'a transmise. Ceci est le sens du hadith. والثاني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليبلغ الشاهد الغائب وهذا لا شك حق واجب بالنسبة لمن سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبلغ إلى من لم يكن حاضرا ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشى الصحابة على ذلك فبلغوا كلهم أجمعون إلى التابعين ما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تاما فلم يزيدوا عنه ولم ينقصوا عنه فهم حملة الشر وهم شاهدوا التنزيل وحدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc le deuxième point est dans le hadith lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui a été témoin transmette à celui qui a été absent. Et donc il n'y a point de doute que cela est une vérité. Et c'était même une obligation par rapport à ceux qui ont entendu les propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'était une obligation pour eux qu'ils transmettent ce quoi ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ceux qui n'étaient pas présents. Et donc, ce sont les compagnons, qu'Allah les agrée tous. Les compagnons ont suivi ce chemin. Ils ont transmis à la génération qui est venue après eux, on nomme les tabi'un. Tous les compagnons, sans exception, ont transmis à ceux qui sont venus après eux, à tabi'un, ceux qu'ils ont entendus du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entièrement. Ils n'ont ni omis quoi que ce soit. Ils n'ont rien rajouté à ce qu'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car les compagnons, ce sont ceux que Allah, azza wa jal, a soigné pour pouvoir transmettre la législation avec laquelle est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, qu'Allah les agrée tous, ils ont été témoins, ils ont été les seuls à être témoins lorsque la révélation se révélait. Walnat, Bariya, Man huwa dun al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. من أئمة المسلمين وعمتهم حينما يعلمون الناس ما ينفع في أمر دينهم هل يجب نقله؟ Et donc, une question se pose. Ceux qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire concernant les gens de science, c'est-à-dire les gens de science qui ont été des guides pour cette communauté, qui ont enseigné aux gens, ou qui enseignent aux gens, ce qui leur profite concernant leur religion. Est-ce qu'il est une obligation de transmettre ce quoi disent ces gens de science? Al-Jawab, إِذَا كَانَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ مُحْتَاجًا مَا أَلْقَاهُ الْعَالِمُ أَنَّ النَّقْلَهُ مَنْ سَمِعَهُ إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ من فروض الكفاية فيعلمون أو يبلغون إخوانهم الذين لم يسمعوا من عالمهم أو شيخهم إذا كانوا في حاجة إليه. Et donc, la réponse, c'est que celui qui n'a pas été présent, qui a été absent, que lorsqu'un savant a dispensé un cours, et que cette personne donc a besoin de ce que le savant a dispensé comme science, alors ici, transmettre celui qui a été présent ou celui qui a écouté à celui qui n'a pas été présent, qui n'a pas écouté, cela ressort d'une obligation à un certain groupe de la communauté. Et donc, ceux qui ont été présents doivent transmettre ou enseigner à ceux qui ont été absents, ceux qui n'ont pas pu écouter, donc le savant ou leur chef, s'ils en ont besoin. « Wa وإن تناوب أهل القرية أو أهل البلدة إلى عالمهم أو شيخهم وإن تناوب أهل القرية أو أهل البلدة إلى عالمهم أو شيخهم الذين عرفوه بالإيمان في الدين والفقه في الدين والرسوخ في العلم ونصح للأمة فأخذوا عنه العلم وعادوا به إلى من غابوا عنه كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحبه أو جاره عتبان بن مالك رضي الله عنه. Et donc, si maintenant les gens d'une ville ou d'un quartier se relayent pour aller écouter les cours du savant, de leur chir, et dont ce savant, dont ce chir, il est connu auprès d'eux que c'est un guide dans la religion, qu'il comprend la religion, qu'il est ancré dans la science et qu'il est sincère envers la communauté. Alors, ils prennent de lui la science et ils retournent vers ceux qui ont été absents en leur transmettant la science, comme a agi les deux compagnons, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et son voisin qui se nommait Itban ibn Malik Al-Ansari, radiallahu anhum. Ces deux compagnons, radiallahu anhum, ils se relayaient pour aller chercher la science auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, du fait que ces deux compagnons travaillaient, que lorsque un était occupé par travail, l'autre se rendait auprès du messager d'Allah pour écouter les cours du messager d'Allah. Et il revenait les transmettre à celui qui travaille. Et il se relayait donc pour écouter les cours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع ثم ساق الإسناد حتى انتهى إلى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. البخاري رحمه الله تعالى donc a cité le chapitre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu de ceux à qui on a transmis saisissent mieux que celui qui a entendu. Al-Bukhari rahimallah a cité une chaîne de transmission remontant jusqu'à Abdurrahman ibn Abi Bakr, d'après son père, qui a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était assis sur un chameau, sur sa chamelle, et qu'une personne tenait les brides de cette chamelle. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quel jour sommes-nous? Où nous sommes-tu? Jusqu'à ce que nous pensions qu'il allait nous nommer par autre que son nom. Il a dit: ne sommes-nous pas le jour du sacrifice? Nous avons dit: ok, oui. Il a dit: quel mois sommes-nous? Nous nous sommes-tu? Jusqu'à ce que nous pensions qu'il allait nous nommer par autre que son nom. Il a dit: ne sommes-nous pas le mois de Dhul-Hijja? Nous avons dit: oh que oui. Il a dit: certes, votre sang, vos biens, votre honneur sont sacrés, comme le caractère sacré de ce jour-ci, dans ce mois-ci, dans ce pays-ci. Que celui qui a été témoin transmettre à celui qui a été absent. Et certes, celui qui a été témoin se peut qu'il transmette à celui qui saisisse mieux que lui. Fa ahlul ilm istakhraja min hadha al hadith ba'da al fawaid fa nadhkuruha awwalan fa 'inda tarjamati عندما قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رب، ورب في اللغة العربية تأتي على معنيين: التقليل والتكثير بحسب السياق. فعندما قال الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فهنا في هذه الآية رب تدل على التكثير، فمعنى يتمنوا دائما لو كانوا مسلمين. وهنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ، فهنا للتقليل، لأن السامع في الغالب يكون أوعى من المبلغ، لأنه شهد وسمع المتكلم. Et donc, quand on a lu le hadith, c'est que la raison, c'est qu'il y a des gens de science, des grands savants, de ce hadith, qui ont extrait, qui ont tiré de ce hadith des utilités. On va en citer quelques-unes. Celle que j'ai pu noter des grands savants. La première, lorsque Al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit, chapitre, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui l'a transmis saisisse mieux que celui qui l'a entendu. Ici, dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné sallallahu alayhi wa sallam rubba. Rubba, dans la langue arabe, c'est un mot, et plus précisément c'est un harf, c'est une particule. Que dans la langue arabe, cette particule, elle est utilisée pour deux significations. La première signification, c'est la rareté. Et la deuxième signification, c'est l'abondance. Pour citer un exemple concernant l'abondance, Allah subhanahu wa ta'ala dit رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit beaucoup de ceux qui ont vécu aiment ou souhaitent qu'ils soient des musulmans. Ici, les mécréants, quand ils seront jetés dans le feu, eh bien, beaucoup d'entre eux souhaiteront qu'ils soient des musulmans lorsqu'ils verront ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les musulmans au paradis. Et donc, ici, dans ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Rubba », le sens, c'est l'abondance. Mais ici, dans le hadith, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Rubba muballarin, peu de ceux à qui on a transmis. Ben ici, le sens, c'est la rareté. Pourquoi? Car celui qui a écouté, généralement, il saisit mieux que celui à qui on a transmis, du fait que celui qui a entendu, il a été témoin, il a été présent et il a entendu celui qui parle. Huna fa'idatun nahwiyatun. Et donc ici, c'était une utilité grammaticale. وكذلك في هذا الحديث استنبط أهل العلم جواز الخطبة على البعير ما لم يكن مشقة على البعير. Et donc la deuxième utilité, c'est que les gens de science en ont déduit de ce hadith la permission de prêcher sur une monture, et là c'était une chamelle, tant que cela ne va pas nuire à la chamelle, c'est-à-dire que cela ne va pas donc faire du mal à cette monture. وكذلك جواز عرض المسألة على طالب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا فأي شهر هذا. Et donc le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a posé les questions à ses compagnons, quel jour sommes-nous, quel mois sommes-nous, les savants donc on en déduit de la permission d'exposer la question, c'est-à-dire de poser une question à l'étudiant. وأيضا من الفوائد أو من فوائد هذا الحديث شدة احترام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم سكتوا بعد السؤال الثاني مع أنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تسمية هذا اليوم. Et donc une autre utilité. Et on voit l'intense respect des compagnons envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons se sont tus après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a posé la question et a posé la deuxième question. Et les compagnons savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel jour il voulait signifier. Ils connaissaient la réponse, mais ils n'ont pas voulu répondre du fait qu'ils avaient un immense respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وأيضا وجوب تبليغ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب. وهنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ هنا اللم تفيد الأمر والأمر في الأمر الوجوب وهذا يتأكد على أهل العلم لأن أهل العلم هم ورثة الأنبياء فيوجه إليهم ما وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أهل العلم هم الذين ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يبلغوا وإن لم يفعلوا ما وفوا العهد والميثاق. لهذا يقول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّنونه للناس ولا تكتمونه. Et donc, l'utilité suivante, c'est de l'obligation de transmettre les ahadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'après la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que celui qui a été témoin transmette à celui qui a été absent. La preuve de l'obligation, comme l'ont mentionné les gens de science. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une lettre. Cette lettre est le lam. Ce lam lit est utilisé dans la langue arabe pour deux significations. La première, pour l'ordre. Et la deuxième, pour une requête. Et donc ici, ce lam indique un ordre. Et l'ordre, à l'origine, dans la législation, indique l'obligation. Et donc cela se spécifie pour les gens de science. Les gens de science sont les héritiers des prophètes. Et donc, aux gens de science, il leur sera adressé ce qui a été adressé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'aurais pas transmis son message. Et donc, les gens de science, ceux qui ont hérité de la science du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation qu'ils transmettent. Et s'ils ne transmettent pas, et s'ils ne le font pas, alors ils n'ont pas respecté l'engagement et le pacte. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ceux à qui le livre fut donné, Allah prit l'engagement, exposez-le, certes aux gens, et ne le cachez pas. والآن سؤال إذا قال قائل أنا أبلغ ولا فائدة. Maintenant, si une personne vient à dire, moi je transmets, mais il n'y a aucune utilité, c'est-à-dire que en transmettant, il ne voit pas effet positif lors de son prêche. فالجواب جاء من ثلاثة أوجه. الأول براءة الذمة للذي يبلغ. الثاني بيان للناس مثلا أن هذا حرام وهم أي الناس يحتجون بسكوت العلماء على جوازه وعلى حده. والثالث هو أن الأجيال الآن قد لا تنتفع ولكن بعد قد تنتفع الأجيال. Et donc, la réponse qui sera donnée, elle se fera selon trois directives. La première, c'est que celui qui transmet, il se déchargera de responsabilité. C'est qu'il aura accompli ce que Allah Azza wa Jal lui a ordonné. Deuxième, est que maintenant, il se peut que si la personne ne transmet pas, qu'il y a des gens pour telle et telle chose, ils vont dire que ce point est licite et permis du fait qu'ils n'ont pas entendu les savants, mais que si la personne expose et montre aux gens que ce point est illicite, il leur a donc également accompli ce qui lui était recommandé. Et troisième point, c'est qu'il se peut que les générations ne vont pas en profiter, c'est-à-dire les générations durant la période duquel celui qui prêche se trouve. La génération ne va pas en profiter. Mais il se peut que les générations qui vont venir à la suite en tireront profit. Comme de nombreux savants qui sont décédés, rahimahumullah, à leur époque, peu de personnes les ont suivis. Mais les générations qui sont venues après ont tiré profit de leurs ouvrages. Comme le très grand savant que vous connaissez, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. ثم نستمر فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له كما قلنا أن يسمع الشخص الحديث أو الجمل من العلم فيحملها إلى شخص عنده من الذكاء وحسن الاستنباط من الذي يبلغ فينشر علمه الذي فصله واستنبط الأحكام منه هيئه للناس فانتفعوا به. Et donc, lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du hadith, a dit, certes, celui qui est témoin, il se peut qu'il transmette à celui qui saisisse mieux que lui. Donc, comme on a dit, donc il se peut qu'il y ait une personne qui entend, qui écoute un hadith ou qui écoute des paroles de science et qui le transmette à une autre personne qui est plus intelligente que lui et qui déduit mieux les textes que lui. Et cette personne, donc, elle va diffuser, elle va propager la science, sa science, en la développant, en ayant déduit les utilités de ce qu'elle a entendu. Et elle va le disposer aux gens. Les gens en tireront profit. والأدلة على ذلك قائمة. Et donc les preuves en cela sont établies. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حفظوا لنا العلم الشرعي كتاب الله وسنة المطهرة وجاء من بعدهم من التابعين ومن أتباع التابعين على القرون المفضلة أو على العموم القرون المفضلة ومن تبع القرون المفضلة من أئمة الهدى وأخذوا يدونون المتن عمن سمعوها عن الصحابة رضي الله عنهم أو كبار التابعين رحمهم الله. Et donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pour nous mémorisé la science légitime qui est le livre d'Allah azza wa jal, qui est la sunna pure, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et est venu après eux la génération qu'on nomme At-Tabi'un, et est venue après eux la troisième génération qu'on nomme Tabi'un Tabi'in, qui sont les trois meilleures générations, comme cela a été mentionné dans de nombreux ahadiths où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait éloge de ces trois premières générations. Pour citer un exemple, un hadith qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrun nasi qarni, thumna alladhina yalouna, thumna alladhina yalouna » al-hadith. Et donc, l'exemple, c'est lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est rapporté par le Bukhari rahimahullah, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des générations, les meilleurs des gens sont ma génération, c'est-à-dire les compagnons, qu'Allah les agrège. Puis ceux qui les suivront, puis ceux qui les suivront. Donc ce sont les Sahaba, radiallahu anhu, At-Tabi'un, rahimahumullah, wa At-Tabi'un, Tabi'in, rahimahumullah. Donc, ces trois premières générations, donc, et ceux qui les ont suivis, parmi les guides de l'islam, les gens de science, ils ont commencé à quoi ? À mettre par écrit les textes qu'ils avaient entendus des compagnons, ou bien de la génération qui est venue après les compagnons. Fatawalla ashab al-qudurat ala al-istibatat istinbata al-ahkam wa tafasil al-ahkam kadhalik. Et donc a été chargé ceux qui ont de la science, les gens de science, ont été chargés de déduire, de tirer déduction des textes. Ils ont commencé donc à tirer, à déduire des textes des utilités. Istinbat al-fawaid al-jamma. Ils ont commencé à déduire donc des textes de nombreuses utilités. Wa tafasil al-ahkam, et également à développer des jugements ou des règles tirées de ces textes. Wa tafasil al-ahkam, et donc ثم أن أصحاب القدرات وهم أهل العلم استنبطوا لنا هذه الفوائد وهذه الأحكام ثم ظهرت المؤلفات التي صار للأمة الخير الكثير. Et donc, ces gens de science qu'ils ont déduit de ces textes des utilités, des règles, ils ont ensuite composé des ouvrages, est apparu des ouvrages, qui a été un énorme bien pour la communauté. Fa laula Allah thumma wujuduha mastata' al-mar'u an yataqaddama aw yata'akhkhar walakin al-muta'akhkhir yamshi على الأثر وقد يزيد وقد يفتح الله عليه ويزيد في توضيح المسائل وتوضيح الإشكال وبيان الإجمال. Et donc, si sans Allah subhanahu wa ta'ala, n'eût-ce été Allah subhanahu wa ta'ala, et n'eût été la présence de ces ouvrages, la personne, elle n'aurait pas pu avancer dans sa religion ou reculer. C'est-à-dire que celui qui en tirera profit, il avancera. Et celui qui n'en tirera pas profit, il reculera. Mais maintenant, celui donc, qui suit les traces des prédécesseurs, il se peut qu'il va rajouter, c'est-à-dire qu'il va rajouter dans la compréhension des points de religion, qu'il va également éclaircir des ambiguïtés, et également il va mettre en évidence des points à connotation générale. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاهد أن يبلغ للغائب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب. Et donc, comme on a vu, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a ordonné à celui qui a été témoin de transmettre à celui qui a été absent par les propos suivants, que celui qui a été témoin transmette à celui qui a été absent. Fa fi hadha al-hadith bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam umuran muhimmatan wa hiya tahrim safk ad-dima وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال بغير حق. Et donc, dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en évidence des points importants qui sont l'interdiction de faire couler le sang. Deuxième, de profaner l'honneur des gens. Troisième, de prendre le bien des gens sans droit. Li ahammiyatil amr, jaa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi uslubin yalfitu anzar as-sami'in bi qawlihi ayyu يوم هذا أي شهر هذا. Et de l'importance de cet ordre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un style est venu avec un style attirant l'attention de ceux qui écoutent. Par ses propos, quel jour sommes-nous? Quel mois sommes-nous? وَذَلِكَ بَيَانٌ لِأَهَمِّيَةَ الْأَمْرِ الذي سيلقيه على قلوبهم وعلى سماعهم فقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب البليغ. Et donc de la mise en évidence de l'importance de cet ordre qu'il leur sera diffusé, que le messager sallallahu alayhi wa sallam va leur transmettre dans leur cœur et qu'ils vont l'écouter. Et donc c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris ou a adopté ce style éloquent. Il a adopté ce style éloquent. وكفى به بلاغة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائله لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق وهو أعلمهم بالله وهو أنصحهم لعباد الله عز وجل. Et donc il suffit, donc concernant l'éloquence, que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la créature, l'être humain, qui était le plus éloquent, celui qui connaissait le mieux Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui était le plus sincère envers les serviteurs d'Allah azza wa jalla. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: certes, votre sang, vos biens, votre honneur sont sacrés, comme le caractère sacré de ce jour-ci, de ce mois-ci et de ce pays-ci. Fatima ul muslimin haramun. Et donc, le sang des musulmans est sacré. Wadima ul ghayril muslimin. Aidan. لا يجوز الاعتداء عليه كالكفير المستأمن في دولة الإسلام أو الداخل إلى دولة الإسلام بإذن على الشروط التي تشترطها الدولة عليه كالمعاهد. Et le sang, autre que les musulmans, il est formellement interdit de le faire couler. Que ce personne soit un mécréant qui a demandé protection dans un État, dans un pays islamique, dans un État d'islam, ou bien que cette personne est entrée dans un état d'islam en respectant, en demandant la permission et en respectant les conditions que l'État lui a imposées. Et cette personne, la législation l'appelle El-Mu'ahad. El-Mu'ahad, c'est celui qui est entré dans un état d'islam et qui respecte les conditions qu'on lui a imposées l'État. Fa al-mu'ahad la yajuzu li ahadin an yasfika damahu أو أن يسيء إليه بإساءة في دمه أو ماله أو عرضه يهوديا أو نصرانيا أو نحو ذلك لا يجوز ذلك فذلك حرام. Et donc celui qui est entré dans un état d'islam par la permission, en demandant la permission aux autorités, et qu'il respecte les conditions que l'État lui a imposées, il est formellement interdit de faire couler son sang. Ou même de le nuire partout, de le nuire par quoi que ce soit son sang, ses biens et son honneur. Que cette personne, elle soit un juif, que cette personne, elle soit un chrétien ou autre, il est formellement interdit de nuire, de faire couler le sang de cette personne. فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِحَ الْبُخَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاعَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا. Et donc, la preuve en cela, c'est qu'il y a un hadith rapporté par le Bukhari dans son Sahih, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui tue, c'est-à-dire un mécréant qui est entré dans un état d'islam en respectant les règles que l'État lui a imposées, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et même que son odeur, c'est-à-dire l'odeur du paradis, se fait, elle est sentie d'une distance de 40 années. فَحُكْمُ الْمُسْتَأْمِنِ أَوِ الدَّاخِلِ فِي دَوْلَةِ الْإِسْلَامِ بِإِذْنِ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ. Et donc, le statut du mécréant qui a demandé asile, protection dans un état d'islam, ou que celui qui est rentré dans un état d'islam et qui est un mécréant. فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْفِكَ دِمَاءَهُ وَلَا يَنْتَهِكَ أَعْرَاضَهُ وَلَا يَأْخُذَ أَمْوَالَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ. Et donc, concernant ces personnes, donc c'est-à-dire le mécréant qui a demandé asile, protection dans un état d'islam, ou que celui qui est entré dans un état d'islam en respectant les règles que l'État lui a imposées, il est interdit de faire couler leur sang, de profaner leur honneur et de reprendre leurs biens sans droit. Hatta أن الشوكاني رحمه الله تعالى قال في معنى هذا الحديث بأن الجنة عليه حرام وأنه خالد مخلد في النار لم يرح رائحة الجنة أي من قتل معاهدا. Et donc, montrant la gravité de faire couler le sang d'un mécréant qui se trouve dans un état d'islam, il y a un grand savant du nom de Shawkani, rahimahullah ta'ala, qui a dit concernant ce hadith que celui qui tue, donc un mécréant qui est entré dans un état d'islam et qui a respecté les règles qui ont été imposées par l'État, cette personne, le paradis lui est interdit. Et cette personne, elle sera éternellement en enfer. Et il y a eu divergence auprès des gens de science concernant Al-Firqatul Khawarij. Il y a eu auprès des gens de science une divergence concernant la secte Al-Khawarij. Ceux qui sortent contre les gouverneurs, ceux qui rendent mécréants, ceux qui accomplissent des grands péchés. Les savants ont divergé auparavant sur le statut de ces personnes. Certains parmi eux ils sont allés, ils ont penché pour dire que les Khawarij ce sont des kuffar. Et ils se sont argumentés par rapport à ce hadith et par rapport à d'autres hadiths. Juste un hadith, une qita'atun min al-hadith, juste une partie d'un hadith, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit les Khawarij. Quand il les a décrits, il a dit yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait décrit les Khawarij, il a dit, en parlant des Khawarij, ils sortiront de la religion comme sort la flèche de l'arc. Et donc il y a eu certains savants qui ont penché pour dire que ce sont des Khawarij, comme Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Mais d'autres savants ne les ont pas fait sortir de l'islam. Et donc, si je vous ai cité cela, c'est pour vous dire la gravité de cette secte et de ceux qui agissent comme cela. ومن مزايا شريعة الإسلام ومن خصائصه تحريم العقد والعبث بالمستأمنين والمعاهدين. Et donc, parmi les qualités de la législation de l'islam et de ses particularités, c'est de l'interdiction de la trahison et de s'amuser avec celui qui a demandé asile, protection, et celui qui est entré dans un État islamique en respectant les règles. فلا يجوز لأحد أن يعتدي على دمه وماله وعرضه وبأي نوع من أنواع الأذى. Et donc il est formellement interdit à toute personne de transgresser cette personne en lui faisant couler le sang et également en lui prenant ses biens et également en profanant son honneur ou tout autre point qui peut le nuire. وَدِمَاءُ الْمُسْلِمِ أَوْ دَمُ الْمُسْلِمِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ فِي صَحِحَ الْبُخَارِ وَمُسْلِمِ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ وَأَيْضًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Et donc le sang du musulman est à plus forte raison sacré. Pour citer deux hadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté par le Bukhari wa Muslim, insulter un musulman est de la perversité, et combattre ou tuer le musulman est de la mécréance. Deuxième hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne revenez pas après moi comme des mécréants vous entretuant. فنكتفي اليوم بهذا القدر وإن شاء الله سنواصل ما بقي من هذا الحديث في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.